Chapitre 194, le mérite du premier rang, l'ordre de compléter, de serrer et de bien aligner les rangs. 1082. Selon Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vint et dit aux compagnons, « Pourquoi ne pas vous aligner à la manière des anges devant leur Seigneur ?» Nous demandâmes, « Ô messager d'Allah, comment s'alignent les anges devant leur Seigneur ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Ils complètent les rangs au fur et à mesure et n'y laissent pas d'ouverture. » Muslim. 1083. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Si les gens connaissaient le mérite de faire l'appel à la prière et de se tenir au premier rang, et qu'ils ne trouvaient d'autre moyen pour y parvenir que d'en venir au tirage au sort, alors ils le feraient certainement. » Al-Bukhari et Muslim. 1084. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers, et les pires sont les derniers. » Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. » Muslim. 1085. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu relate. Constatant que les rangs formés par ses compagnons étaient trop éloignés de lui, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur dit, « Rapprochez-vous de moi pour suivre mes gestes, puis que ceux qui viennent derrière suivent les vôtres. Il y a des gens qui ne cessent de s'éloigner du premier rang, jusqu'à ce qu'Allah les éloigne de sa miséricorde et de sa grâce. » Muslim. 1086. Abu Mas'ud, radiyallahu anhu, relate. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait sa main sur nos épaules avant la salat en disant, « Alignez-vous, et que vos rangs ne soient pas désordonnés afin que vos cœurs ne soient pas désunis. Et que viennent immédiatement derrière moi les plus sages parmi les adultes, puis que les suivent ceux qui le sont moins, et ainsi de suite. » Muslim. 1087. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, « Alignez-vous, car la prière ne saurait être parfaite que si les rangs sont parfaitement alignés. » Al-Bukhari et Muslim. Dans la version d'Al-Bukhari, « Car l'alignement des rangs fait partie intégrante de la prière. » 1088. Selon Anas radiyallahu anhu, la prière fut une fois annoncée, puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tourna vers nous en disant, « Formez les rangs et serrez-vous, car je vous vois derrière mon dos. » Al-Bukhari et Muslim selon d'autres termes. Dans une autre version d'Al-Bukhari, chacun de nous collait alors son épaule et son pied à ceux de son voisin. 1089. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, « Alignez vos rangs, sinon Allah créera des dissensions entre vous. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, il est rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajustait les rendant aussi droits qu'une flèche, jusqu'au jour où il eut constaté que nous avions bien saisi ce qu'il attendait de nous. Puis il entra un jour dans la mosquée, et alors qu'il était sur le point de prononcer le takbir, Allahu Akbar, il remarqua que la poitrine d'un homme sortait du rang. Il dit alors, « Serviteurs d'Allah, alignez vos rangs, sinon Allah créera des dissensions entre vous. » 1090. Al-Bara ibn Azib, r.a., relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait coutume d'aller d'un bout à l'autre des rangs, passant la main sur nos poitrines et nos épaules, en disant, « Que vos rangs ne soient pas désordonnés, afin que vos cœurs ne soient pas désunis. » Il disait aussi, « Allah et ses anges prient sur les premiers rangs. » Abu Daoud avec une bonne chaîne de narrateurs. 1091. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Formez les rangs, alignez vos épaules, ne laissez pas d'espace entre vous, soyez indulgents envers vos frères, qui ajustent les rangs, et ne laissez pas d'espace à Satan. Quiconque s'efforce de combler un vide dans les rangs, Allah maintiendra les liens avec lui. Et quiconque crée un vide dans les rangs, Allah rompra les liens avec lui. » Abu Daoud. 1092. Selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, « Alignez vos rangs, serrez-vous, et que vos coups soient dans un même alignement, car par celui qui tient mon âme dans sa main, je vois Satan s'insérer dans vos rangs comme un hadaf, mouton noir et de petite taille du Yémen. » hadith authentique rapporté par Abu Daoud avec une chaîne répondant aux critères de muslim. 1093. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Complétez le premier rang, puis le suivant, de façon à ce que le rang incomplet soit le dernier. » Abu Daoud avec une bonne chaîne. 1094. D'après Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Allah et ses anges prient sur ceux qui se trouvent sur la droite des rangs. » Abu Daoud, avec une chaîne répondant aux critères de muslim, bien que s'y trouve un narrateur dont la fiabilité ne fait pas l'unanimité des savants. 1095. Al-Bara, radiyallahu anhu, a dit « Nous aimions prier en étant sur la droite du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, afin d'être les premiers à voir son visage quand il se retournait. Un jour, je l'ai entendu dire « Ô Seigneur, préserve-moi de ton châtiment » le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. » Muslim. 1096. Abu Huraira, radiyallahu anhu, relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit que l'imam se trouve toujours au centre et comblait les espaces vides. Abu Daoud.